Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne sois pas découragé de ce que tu as toujours échoué dans ce que tu as fait. J'aimerais déclarer maintenant au nom de Jésus-Christ que tes échecs prennent fin maintenant. Parce que le Seigneur va poser sa main sur ta vie. Il va te donner une nouvelle orientation. Ne sois pas négatif. Il a un temps pour toutes tes choses. Réveille-toi. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier, à invoquer et crois que les choses peuvent changer. Ne sois pas abattu. Oui, l'Éternel est vivant. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Néhémie chapitre 2, 11 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui c'est Néhémie 2, 11 à 20. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par les torrents et je considérai encore la muraille. Puis je rencontrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanbala, les Horonites, Tobija, les serviteurs Ammonites et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois ?» Et je leur fis cette réponse, « Les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Alléluia. Nous allons partager 5 vérités. Dans ce passage, qui vont nous orienter dans nos prières. La première vérité, c'est que nous devons apprendre à être discrets. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Tu sais pourquoi tu échoues dans tout ce que tu fais? Tu manques la discrétion. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, tu t'en vas voir ta sœur, tu dis, bon, moi, je ne cache rien. Tu dis tout ce que tu as vu en rêve. Lorsque tu veux construire une maison, tu as le projet d'acheter un terrain, tu as pris crédit au niveau de ton travail, tu vas, tu racontes à tout le monde. Mon ami, il y a des choses où il faut être discret d'abord. C'est entre toi et Dieu. Je parle à toi. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu n'es pas discret là, il y a l'ennemi qui peut en profiter et les gens parfois mal intentionnés peuvent contrecarrer ce que tu fais. J'aimerais te dire ça. Même parfois dans l'église, tous ceux qui viennent là pour prier ne sont pas tous chrétiens, mon ami. Il y a des choses que tu ne dois pas dire dans un grand groupe si le Saint-Esprit ne t'a pas dit de partager. Néhémie est parti pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais il a fait environ 3 jours sans dire, sans révéler son plan, ce qu'il venait faire. Il est dit au verset 12, après quoi, Je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Mon ami, quand Dieu te donne une révélation là, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. C'est ça ton problème. Si Dieu ne te dit pas de partager avec quelqu'un, garde ça. Les combats que Joseph a connus là, c'est vrai que Dieu lui a montré qu'il serait élevé, mais il manquait de sagesse. Quand il a vu le songe là, il a commencé à raconter à toute sa famille, voilà, j'ai vu la lune, les étoiles se prosterner devant moi. Et la Bible dit, à cause de cela, ses frères les haïrent davantage. Donc, tu dois apprendre à fermer ta bouche et savoir partager avec des personnes que Dieu te montrera et quand il le faut. À un moment donné, il faut garder les choses sur le plan de la discrétion sans dire à quelqu'un. Il est dit, au verset 15, il dit, je montais de nuit par les torrents. Et je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée et je fis ainsi des retours. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Vous voyez, c'est curieux. Quand vous voyez la liste des personnes là, on peut dire que ce sont des personnes bien placées. Les sacrificateurs étaient des serviteurs de Dieu. Je vais parler à toi, mon ami. Même pour partager les choses aux hommes de Dieu là, il faut que l'Esprit de Dieu te convainc. Est-ce que tu comprends? Parce que tu ne connais pas parfois leur disposition de cœur. Néhémie a dit, la chose que je vais faire là, Dieu l'a convaincu, il dit, pour le moment, ne partage ni aux sacrificateurs, qui étaient des hommes de Dieu, ni aux magistrats, ni aux grands. Il a gardé d'abord la chose secrète. Il fallait que Dieu lui-même lui montre maintenant le temps favorable où il devrait partager et avec qui il fallait partager. Deuxième vérité, apprenons à faire le tour de nos murailles pour évaluer les dégâts. Nos murailles représentent nos projets, ça peut être notre famille, ça peut être notre maison, ça peut être notre travail, notre entreprise. Quand il y a des dégâts, tu vois que les choses ne marchent pas. À un moment donné, il faut s'arrêter, commencer à réfléchir attentivement pour voir, observer les dégâts. Parce que quand on n'observe pas les dégâts que l'ennemi a produits là, on ne va pas mesurer l'ampleur de la chose. Hein, je parle à toi. Fais le tour de muraille de ta famille. Regarde un peu. Presque personne n'est réussi dans ta famille. Tout le monde est toujours bloqué. Regarde combien sont des personnes qui ont des diplômes. Des diplômes, même ce qu'on appelle bac ou diplôme d'état ailleurs. Combien sont ceux qui ont un diplôme universitaire? Les gens n'arrivent pas à avoir un diplôme. Est-ce que tu ne vois pas que c'est anormal? Il faut faire le tour pour voir comment l'ennemi a bloqué votre famille. Comment l'ennemi a ravagé votre vie, votre entreprise. C'est ça, faire le tour de muraille. Il est dit ici, au verset 13. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant le muraille en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. À un moment donné, il faut s'asseoir. Je vais parler à un jeune garçon. Écoute-moi bien. Tu es toujours en l'air. Par-ci, par-là, les gens t'invitent. Quand est-ce que tu vas t'asseoir dans ta vie? Regarde. Bientôt, tu auras 40 ans. Assois-toi, va en retraite. Réfléchis, fais une évaluation de ta vie pour voir. Est-ce que tu progresses? Tu ne vois pas que tu es en train de stagner pendant que les autres évoluent. Donc, il faut à un moment donné s'asseoir et ne pas s'accumuler toujours, surcharger avec des travaux, avec des activités par-ci, par-là. À un moment donné, il faut s'asseoir pour réfléchir sur ta vie, pour voir les dégâts, pour dire que ce n'est pas normal la situation que je vis. C'est ce que Néhémie a fait. Troisième vérité. Nous devons savoir partager notre vision au temps approprié et avec des personnes appropriées. Néhémie a gardé la chose discrète. C'est après ce temps que maintenant il était conduit à partager avec un groupe précis de personnes. Vous voyez? Il est dit au verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Donc il a maintenant partagé la vision. Mais avant, il a gardé discrète. Et au verset 18, il dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Vous voyez, même quand on partage la vision, on doit savoir qui dire pour convaincre les autres. C'est pourquoi Néhémie lui-même avait besoin de faire le tour de la muraille. Il avait besoin des argumentations et au nom des argumentations, il leur a donné son témoignage comment il a obtenu la faveur du roi. Pour que les autres comprennent que Dieu lui-même était derrière ce projet-là. Quatrième vérité, nous devons travailler dans l'unité pour accomplir de grands exploits, pour relever nos murailles, les murailles sur le plan national, pour rebâtir une nation. Bien-aimé, nous devons être unis. Nous devons cesser de nous combattre. Pour rebâtir une église, une communauté, lorsque la communauté est en baisse, les membres ont fui l'église, il y a des problèmes, et que vous voulez vraiment relever la communauté, c'est dans l'unité. Et ça commence par le pasteur, son conseil, son adjoint. Je vais parler à un homme de Dieu, regarde-moi bien. Ton conseil est trop divisé, vous êtes trop partagé. Il y a eu des problèmes entre les anciens, entre les conseillers. Il faut régler d'abord ce problème-là. Il faut s'asseoir un jour, faire une évaluation. Il y a des problèmes d'argent. Et il y a des gens qui murmurent, vous dites que non, on ne sait pas où va l'argent. Vous voyez, il faut régler ce problème-là. Tirer au clair et vraiment, ceux qui doivent demander pardon, demandent pardon. Et c'est maintenant dans l'unité. Que vous pouvez dire, lèvons-nous et bâtissons. Quand il y a des problèmes de division, une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Vous voyez, ici, ils ont dit au verset 18, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quand on dit lèvons-nous, ça veut dire que ce n'est pas un individu, c'est nous. Nous devons apprendre à conjuguer le « nous ». C'est pourquoi un leader doit être un rassembleur, quelqu'un qui peut rassembler les gens, qui peut adhérer à la vision, parce que seul, il ne peut rien faire. Cinquième vérité, nous devons proclamer des paroles positives, surtout lorsque nos ennemis, il y a des gens qui vont à l'encontre de la vision, qui vont chercher à nous décourager, des Sanballat, des Tobija. Il faut leur dire comme Néhémie, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Il ne faut pas que dès le départ, tu commences à dire, bon, je vais essayer seulement, je ne sais même pas si ça va réussir, mon ami. Quand tu commences comme ça, tu ne vas pas réussir. Il faut être convaincu, si la chose vient de Dieu, tu dis, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Dans ce projet-là, je vais réussir. Il y aura des gens qui viendront pour te dire, est-ce que tu vas réussir? Avec le temps, la conjoncture est devenue difficile, l'argent va manquer, ainsi de suite. Il faut dire, le Dieu des cieux me donnera du succès. Il est dit au verset 19, Sanballat, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous. Nous méprisèrent. La moquerie, les mépris font partie des armes que Satan utilise. Il utilise ses agents. Ils disent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Écoutez la réponse de Néhémie au verset 20. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Gloire au Seigneur. Nous allons glorifier ce Dieu pour ses révélations. Nous allons chanter ce cantique pour l'adorer. Ce cantique est en lingala. Il dit Yaya Yesu Yaya Nangamoko. C'est-à-dire Jésus-Christ, mon grand frère, à moi. Je vais le louer, je vais le célébrer. Chantons ce cantique. Si tu peux te lever, lève-toi là où tu es. Ya ya Yesu, ya ya nangai. Oh Yesu, ya ya nangai moko. Ya Yesu, ya ya nanga. Oh Yesu, ya ya nanga. Ya ya Yesu, ya ya nangai. Oh Yesu, ya ya nangai moko. Ya Yesu, ya ya nanga. Oh Yesu, ya ya nanga. Ya ya Yesu, na welela yo na nanyo. Oh Yesu, na betela yo ata maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko. Ya ya na ngai moko. Ya ya Yesu, na welela yo na moto teo. Oh Yesu, na binela yo ata mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina, mabina. Ya ya na ngai moko. Ya ya Yesu, na welela yo na moto teo. Oh Yesu, na betela yo ata milolo, milolo, milolo. Milolo, milolo, milolo, milolo, milolo, milolo, milolo, milolo, milolo, milolo, milolo, milolo. Yaya na ngai moko. Yaya Yesu, na welela yo na moto teo. Oh Yesu na binela ata mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina mabina ya ya nangai moko Yesu Yesu ya ya nangai. Oh Yesu na koela na motote. Oh Yesu ya ya nangai. Oh Yesu na koela na motote. Welelelele welelelele welelelele welelelele welelelele welelelele welelelele welelelele. Gloire au Seigneur, il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix pour bénir l'Éternel. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, merci Éternel, notre Dieu, de nous donner la foi nécessaire afin que nous puissions triompher sur toutes les puissances de l'ennemi qui peuvent s'élever contre nos vies. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, toi qui donnes la vision. Et quand tu donnes la vision, tu donnes également la provision. Sois béni, ô Éternel notre Dieu, toi qui nous conduis dans ta grâce. Merci, toi qui nous aides à communiquer la vision que tu nous donnes au temps convenable. Sois magnifié, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Seigneur de gloire, le Dieu qui nous donne les succès. Oui, avec toi, nous allons de succès en succès. Tu nous donnes du succès dans notre travail, dans notre famille et dans tout ce que nous entreprenons. Oh, sois magnifié, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui répands en ce moment l'esprit d'unité au milieu de nous, dans nos familles, à l'église, partout où nous sommes. Seigneur, nous avons besoin de l'unité afin que nous puissions triompher. Sois béni, ô Éternel notre Dieu, de ce que c'est toi seul qui nous conduis de victoire en victoire pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Néhémie chapitre 2, 11 à 20 est notre passage du jour dans le cadre de l'émission de prière OSB, opération sur la brèche. Nous venons de voir plusieurs vérités. Apprenons à être discrets. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que dans le passé, tu parlais beaucoup, tu disais n'importe quoi et tu ne savais même pas à qui tu parles. Demande au Seigneur la grâce de marcher dans la discrétion et que Dieu lui-même te montre qui sont des personnes appropriées avec qui tu peux partager ta vision. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Nous devons apprendre à faire le tour de nos murailles, c'est-à-dire s'asseoir pour observer, pour évaluer notre vie, évaluer ce qui se passe dans notre famille, évaluer dans ce qui se passe dans notre église pour voir est-ce que nous avançons ou bien nous stagnons, évaluer ce qui se passe au niveau national pour évaluer les dégâts. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne cet esprit de réflexion, d'évaluation pour savoir comment nous pouvons relever. Prions le Seigneur. Croyons notre Dieu, notre Père, à ta parole. Tu as travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, tu t'es reposé, tu as dit tout ce que tu as fait était très bon. Et nous aussi, tu nous confies des responsabilités. Nous croyons à des moments donnés. Nous devons nous arrêter, faire le bilan de tout ce que tu nous as confié sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan matrimonial, sur le plan professionnel, sur tous les plans, quelle que soit la grandeur ou la petitesse de l'activité que tu nous confies, nous devons rendre compte, Seigneur. Notre Dieu, nous te prions ce matin, mais nous continuons, nous ne nous arrêtons pas pour voir ce qui n'a pas marché. Combien de fois aujourd'hui le péché nous bloque, notre Dieu, les ambitions fallacieuses nous bloquent, notre Dieu. Ô Seigneur, viens nos secours, prends-nous à nous arrêter, apprends-nous, notre Dieu, à nous confesser, à pleurer devant toi, parce que notre vie, ô, est jonchée d'erreurs, de fautes, de péchés. Viens nos secours. Nous croyons que tout est possible à celui qui croit en toi. Tu nous as donné moyen pour nous arrêter. C'est la repentance. Viens à nos secours. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que sans l'unité, nous ne pouvons pas avancer. Lèvons-nous et bâtissons. C'est ça le slogan. Il fallait que Néhémie puisse rassembler des peuples. des gens qui allaient marcher la même vision. À cause des divisions, parfois nos pays africains n'avancent pas. À cause de la division, parfois nos communautés n'évoluent pas. L'Église dans son ensemble, en Côte d'Ivoire et même ailleurs, il faut que les leaders soient unis dans la même vision. On se dispute pour les questions d'argent. Il y a des communautés qui se disloquent. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous soyons capables de dire, comme au temps d'ennemis, lèvons-nous et bâtissons. Combattons cet esprit de division dans l'Église, dans nos familles, au niveau même de la nation. Prions pour que nous marchions dans la cohésion sociale, dans l'unité pour bâtir la nation au nom de Jésus. Sois loué, sois magnifié. Ce matin encore, nous venons à toi parce que nous croyons en toi et en ta parole. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison de l'Éternel, aucune n'est restée sans effet, toutes s'accomplirent. Père, tu es le Dieu qui hait la division. Tu es le Dieu qui n'apprécie pas là où il y a la division, il y a le mépris, il y a le dédain. Tu es le Dieu qui est un Dieu d'ordre. Tu es le Dieu sage, tu es le Dieu fidèle. Oh mon Dieu, nous avons besoin de la cohésion sociale. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la quiétude dans nos familles. Nous avons besoin, oh Dieu, de la connaissance, de l'amour dans notre entreprise, dans nos projets, dans nos foyers, dans nos pays, papa. Nous comptons sur toi pour que nous soyons dans l'unité, pour qu'ensemble nous nous levons comme Néhémie. Oui, a été suscité et des hommes et des femmes ont cru à cette vision et se sont assemblés à lui pour accomplir cette mission. Père, merci de faire accrocher à tes visionnaires, Seigneur, des hommes pour les appuyer afin que la vision puisse se manifester. Nous croyons en toi pour la puissance de ton esprit qui suscite une multitude autour des leaders pour que ta parole avance, pour qu'il y ait des campagnes d'évangélisation et que l'œuvre du Seigneur progresse. Béni sois-tu, louange et gloire te reviennent parce que tu t'appelles Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que c'est aujourd'hui samedi tout à l'heure, à partir de 8h, dans le cas de bonheur conjugal, faisons mouvement vers Bingéville, lycée Mamie Fété, avec votre ticket. La mise en place commence à 8h et à 9h, nous commençons notre programme. C'est pour les célibataires aspirant au mariage. Le thème, nous le rappelons, c'est comment connaître les choix de Dieu pour notre mariage. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.